Toujours de l'autre côté de la vide comme le méchant dans un slasher. Je l'avais pourtant prévenu, c'est tout noir ici là sous mon sweatshirt. J'essaie encore de sourire mon amour mais ça me coûte si cher. Devant la mort on s'acharne, je veux pas finir comme Heath Ledger. Pose-moi une question, je te réponds pas si je suis honnête. Je crois pas que je vais faire long feu, du coup je fais pas de plan sur la comète. Ils veulent des interviews, mon ref j'ai tout dit dans mes sonnets. De cher le péché que je commets, plus je me tatoue, plus je me reconnais. Ma gueule je suis Gahara, t'es juste un grain de sable dans le Sahara. Ils veulent que je sois pas là, j'ai un Zimpacto et des katanas. Elle voulait voir mon monde, maintenant sur ses joues y'a du mascara. Mon cœur c'est Azkaban, tu peux perdre ton âme si tu passes par là. Et tous les grands de ce monde, on leur a d'abord rayonné. On veut des boules comme Nicki, rien à foutre de Rihanna. Et très peu de gens m'entourent, fais un faux pas et je raye un nom. Je me souviens 2015, j'ai vu ce qu'il crache comme Ryanair. Vas-y enfile mes pompes, il fait noir tout le temps comme si je suis en Norvège. Je vis dans un bunker parce que je m'attends pas à ce que Dieu me protège. La pandémie c'est vos opinions, moi je raisonne seul. Tu parles de visionnaire, j'étais dans le bitcoin avant Elon Musk. On essaie de dodge l'enfer, mais l'enfer c'est là, j'ai la haine sa mère. J'ai jamais appris à perdre, 25 ans toujours, la défaite amère. 500k pour ton âme et eux ils sont tous comme Wisconsin. J'préfère mourir dans le nord plutôt que de vivre dans le Wisconsin. J'suis pas comme toi c'est tout gros, pourquoi tu me prends la tête. J'ai beaucoup trop de symptômes comme si j'ai une balle dans la tête. L'argent c'est rien s'il y a personne pour partager l'assiette. Jamais je m'amuse, c'est noir, même quand c'est la fête. J'suis en avril comme si j'suis en novembre. Cercueil doré, c'est ce qu'ils essaient de me vendre. Si j'avais perdu mon honneur comme eux, j'serais à genoux, prêt à m'ouvrir le ventre. Avec elle, j'perds mon temps, elle dit qu'elle est blessée, salope, j'suis pas médecin. Tu parles de tendre enfance, moi j'ai toujours eu le seum, j'vais pas faire un dessin. Vas-y, enfile mes pompes, il fait nuit tout le temps, tu n'as pas la vision. Frelon, tu vois pas ce que j'fais, comme le capitaine, 6ème division.